On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant que s'ouvrait hier le premier match entre les Voyageurs de Jonquière et l'équipe des Diamants de Québec. Ça se déroulait au stade Richard-Desmeules de Ville-Saguenay. Et la troupe de Martin Pouliot s'est inclinée 9 à 4 contre les Diamants de Québec. Du côté de la Ligue de Balland, il y avait un match hier. C'était le match décisif entre le Météor et le Coors Light. Et c'était une victoire du Météor 8 à 5 contre le Coors Light. La grande finale de la Ligue de Balmol de Dolbeau-Mistassini va se mettre aux prises ce soir. C'est une finale 4 de 7. Le Météor va affronter le Sport Expert dans le cadre d'un programme double. Maintenant, il y avait le triathlon de Saint-Félicien au cours du week-end. C'était la deuxième édition du triathlon. Et ça a été, encore une fois, dominé par Frédéric Bouchard, qui est natif de la baie. Frédéric Bouchard qui a parcouru la distance de 1,5 km en natation, 40 km de vélo et 10 km de course avec un temps de 2h06 minutes et 54 secondes. David Savard a terminé en deuxième position, Savard qui est de Ville-Saguenay, et la troisième position est allée à Pascal Coudet. Chez les femmes, Sarah Gabousson a terminé en première position avec un chrono de 2h20 minutes. Nadia Bolduc qui a terminé en deuxième position, et la troisième position est allée à Marie-Claude Brassard qui est native de Saint-Augustin et qui demeure maintenant à Ville-Saguenay. À ce qui concerne maintenant la distance sprint qui comprend 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course, c'est Jean-René Hamel de Gaspé qui s'est imposé. Marc-Antoine Simard a pris le deuxième rang et Nicolas Bussière a terminé au troisième rang. C'était le début en fin de semaine de la saison collégiale en troisième division et les Gaillards de Jonquière ont battu facilement les Génois d'Almac 48 à 27 et les Cougars de Chicoutimi ont défait la Pocatière 37 à 15. Deux défaites également pour les élites de Jonquière en fin de semaine. Ils ouvraient la saison, les élites qui ont perdu 5 à 2 contre l'Intrépide de Gatineau. Ça s'est déroulé au foyer des Loisiers et ils ont également perdu 2 à 1 toujours contre ces mêmes Intrépides. Le sport local et régional à danlandosport.com. On s'en occupe.